J'ai passé des vacances de fin 2004 aux petits oignons. Ce qui n'est pas une vaine expression quand on sait à quel point je suis un spécialiste de l'oignon, mon Grégory. Bien sûr. Ça a commencé le soir de Noël, le 25. J'étais au Vatican et on faisait la fête. Jean-Paul organise toujours une petite sauterie après les bénédictions de fin d'année à Rome et au reste du monde. Oh, faut aller voir le JP, en pleine forme. Quand je pense qu'il y en a qui disent qu'il va pas bien. On voit bien qu'ils n'étaient pas invités à la Urbi et Torbi Dance Hit Machine and the Group 2004. Good evening to everybody in the house. T'es où le boche? Ah, je suis là, JP. Qu'est-ce que tu me veux? Viens avec moi, je vais te présenter Ludmila et Natacha, les deux nouvelles qu'on m'a envoyées de Varsovie. Oh, mais enfin, JP, arrête, c'est un enfer de courtiser les bonnes sœurs. Tu vas aller en enfer, Jean-Paul. Fuck l'enfer. Regarde-moi ces morceaux. Oh, Jean-Paul, n'insiste pas, tu vas me faire... Tu vas me faire bander comme un mouflon iroquois si tu vires pas ces deux machins qui sont là debout devant moi. Allez, Helmut, fais-toi plaisir. Et l'enfer, Jean-Paul. L'enfer, c'est les boches. Allez, vas-y, où j'y vais. Fais-leur péter la cornette, le boche. Bon, ça roule. Je les emmène dans ta piole. Allez, à plus. Attends, le boche, attends. Tu peux pas aller dans ma piole, il y a déjà quelqu'un. Reviens. Eh, merde. Ah, mais il sait faire, le Jean-Paul. De la musique de salope à l'étage des pioles. C'est un pro, le polac. Oh, doucement, les filles, soyez un peu patientes. On va pas faire ça dans le couloir, comme des Roumains. Faut respecter les traditions. On va attendre la piole papale pour jouer avec Popol. Ah, nous voilà. Oh, merde, on dirait qu'il y a déjà quelqu'un. Ah, doucement, les filles, on va voir qui c'est. Oh, regardez, c'est un mec avec quatre nanas. Oh, chut, attention. Je crois qu'il va faire un striptease. Get up, get on up, stand the shit like a sex machine. Allez, allez. D'où Jésus, mais qu'est-ce que vous faites là, Helmut? J'ai invité un JP pour la fête, Urbi et Torbi. Écoutez, c'est formidable, moi aussi. Allez, venez avec vos amis, on va faire un joli petit gangbang. Merci, ça fait ça. Et c'est comme ça, mon Grégory, que la fête s'est terminée pour moi. Impossible de faire des cochonneries avec Valérie à côté de moi en train de chanter du James Brown. Oh, demain, je vous raconterai la suite de mes vacances. Vous allez voir, c'est épicé. Allez, au revoir.